Deuxièmement, le mépris des richesses. Tite-Live a raison de dire qu'il n'y eut jamais de peuple où la frugalité, où l'épargne, où la pauvreté aient été plus longtemps en honneur. Les sénateurs les plus illustres, en n'a regardé que l'extérieur, différaient peu des paysans et n'avaient d'éclat ni de majesté qu'en public et dans le Sénat. Du reste, on les trouvait occupés du labourage et des autres soins de la vie rustique quand on allait les quérir pour commander les armées. Ces exemples sont fréquents dans l'histoire romaine. Curius et Fabrice, ces grands capitaines qui vainquirent Pyrrhus, un roi si riche, n'avaient que de la vaisselle de terre, et le premier, à qui les Samnites en offraient d'or et d'argent, répondit que son plaisir n'était pas d'en avoir, mais de commander à qui en avait. Après avoir triomphé et avoir enrichi la République des dépouilles de ses ennemis, il n'avait pas de quoi se faire enterrer. Cette modération durait encore pendant les guerres puniques, c'est-à-dire les guerres contre Carthage. Dans la première, on voit Régulus, général des armées romaines, demander son congé au Sénat pour aller cultiver sa métairie, abandonnée pendant son absence. Après la ruine de Carthage, on voit encore de grands exemples de la première simplicité. Emilius Paulus, qui augmenta le trésor public par le riche trésor des rois de Macédoine, vivait selon les règles de l'ancienne frugalité et mourut pauvre. Mummius, en ruinant Corinthe, ne profita que pour le public des richesses de cette ville opulente et voluptueuse. Ainsi, les richesses étaient méprisées. La modération et l'innocence des généraux romains faisaient l'admiration des peuples vaincus.